Livre du Deutéronome, texte de la Bible catholique crampon, enregistrement par mission-web.com. Chapitre 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans l'Araba, vis-à-vis de Souf, entre Pharan, Tophel, Laban, Hazeroth et Di-Zahab. Il y a 11 journées de marche depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadès-Barnée. En la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de leur dire. Après qu'il eut battu Séon, roi des Amoréens, qui habitait à Hézebon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Astaroth et à Édraï. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi en disant « Le Seigneur, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez séjourné assez longtemps dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous ses alentours, dans l'Araba, dans la montagne, dans la Séphéla, dans le Négeb, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Voici que je mets ce pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner, à eux et à leur postérité après eux. Je vous parlais ainsi dans ce temps-là. Je ne puis, à moi seul, vous porter. Le Seigneur, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous fasse croître encore mille fois plus, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je, à moi seul, votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les établirai à votre tête. » Vous me répondîtes en disant « La chose que tu proposes de faire est bonne. » Je pris donc les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines, et comme magistrats dans vos tribus. Dans le même temps, je donnais ce commandement à vos juges. Écoutez les débats de vos frères, et jugez selon la justice les différends qu'ils auront chacun avec son frère ou avec l'étranger qui est avec lui. Vous n'aurez point égard, dans vos jugements, à l'apparence des personnes. Vous écouterez les petits comme les grands, n'ayant peur d'aucun homme, car le jugement est de Dieu. Et si vous trouvez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, toutes les choses que vous auriez à faire. Étant partis d'Horeb, nous traversâmes tout ce vaste et affreux désert que vous avez vu, nous dirigeant vers la montagne des Amoréens, comme le Seigneur, votre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès-Barnée. Je vous dis alors, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que nous donne le Seigneur, notre Dieu. Vois, le Seigneur, ton Dieu, met ce pays devant toi. Monte et prends-en possession, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. La chose m'ayant paru bonne, je pris parmi vous 12 hommes, un homme par tribu. Ils partirent et, après avoir traversé la montagne, ils arrivèrent à la vallée d'Escol et l'explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les apportèrent, et ils nous firent un rapport en disant « C'est un bon pays que nous donne le Seigneur, notre Dieu. » Cependant vous ne voulûtes point monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre du Seigneur, votre Dieu. vous murmurâtes dans vos tentes en disant, « C'est parce que le Seigneur nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, pour nous livrer entre les mains de l'Amoréen, afin de nous détruire. Où montons-nous? Nos frères nous ont fait fondre le cœur en disant, « C'est un peuple plus grand et de plus haute stature que nous. Ce sont des grandes villes dont les murailles s'élèvent jusqu'au ciel. Et même nous y avons vu des fils des Énassim. Je vous dis, ne vous effrayez pas et n'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, et ensuite au désert, où tu as vu comment le Seigneur, ton Dieu, t'a porté, ainsi qu'un homme porte son fils, sur toute la route que vous avez parcourue jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'aviez pas confiance dans le Seigneur, votre Dieu, qui marchait devant vous sur le chemin pour vous chercher des lieux de campement, dans un feu pendant la nuit pour vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et dans une nuée pendant le jour. Le Seigneur entendit le bruit de vos paroles, et, dans sa colère, il jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération mauvaise ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphonné. Il le verra, lui, et je lui donnerai, à lui et à ses enfants, le pays qu'il a foulé, parce qu'il a fidèlement suivi le Seigneur. Le Seigneur s'irrita aussi contre moi, à cause de vous, et il dit, « Toi non plus tu n'y entreras point, mais Josué, fils de Noun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays, et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils seront une proie. Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, eux y entreront. C'est à eux que je le donnerai, ce sont eux qui le posséderont. Vous, retournez en arrière et partez pour le désert, par le chemin de la mer Rouge. » Vous répondîtes en me disant, « Nous avons péché contre le Seigneur. Nous monterons et nous combattrons, selon tout ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a ordonné. » Et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous vous disposâtes inconsidérément à monter à la montagne. Le Seigneur me dit, « Dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous résistâtes à l'ordre du Seigneur, et vous fûtes assez présomptueux pour monter à la montagne. » Alors l'Amoréen qui habite cette montagne sortit à votre rencontre. Il vous poursuivit comme font les abeilles, et vous battit en Séhir, jusqu'à Horma. Vous revîntes et vous pleurâtes devant le Seigneur, mais le Seigneur n'écouta pas votre voix, et ne vous prêta pas l'oreille. Vous restâtes de longs jours à Kadès, le temps que vous y avez séjourné. Chapitre 2. Changeant de direction, nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme le Seigneur me l'avait ordonné, et nous tournâmes longtemps autour de la montagne de Séhir. Et le Seigneur me dit, « Vous avez assez tourné autour de cette montagne, reprenez la direction du nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer sur la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils auront peur de vous, mais prenez bien garde d'avoir des démêlés avec eux, car je ne vous donnerai rien dans leur pays, pas même ce que peut couvrir la plante du pied. J'ai donné à Ésaü la montagne de Séhir en propriété. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car le Seigneur ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche à travers ce grand désert. Voilà 40 ans que le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Nous passâmes donc à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Nous éloignant du chemin de l'Araba, d'Élat et d'Assion-Gaber. Nous nous détournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. Le Seigneur me dit, « N'attaque pas Moab et n'engage pas de combat avec lui, car je ne te donnerai aucune possession dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Les Émim y habitaient auparavant, peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Énassim. Eux aussi sont regardés comme des Réphaïm, de même que les Énassim. Mais les Moabites les appellent Émim. En Séir habitaient aussi jadis les Horéens, mais les enfants d'Ésaü les chassèrent, et, les ayant détruits de devant eux, ils s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël pour le pays qu'il possède et que le Seigneur lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zared. Et nous passâmes le torrent de Zared. Le temps que durèrent nos marches, de Kadès-Barnée au passage du torrent de Zared, fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme le Seigneur le leur avait juré. La main du Seigneur fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Lorsque la mort eut fait disparaître tous les hommes de guerre du milieu du peuple, le Seigneur me parla en disant, « Tu vas passer aujourd'hui la frontière de Moab, Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas, et n'aie pas de démêlés avec eux, car je ne te donnerai aucune possession dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en possession. » On regardait aussi ce pays comme un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zomzomim. Peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Énassim. Le Seigneur les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit le Seigneur pour les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, lorsqu'il détruisit devant eux les Horéens. Les ayant chassés, ils s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. De même les Hévéens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les Caphtorim, qui, étant sortis de Caphtor, s'établirent à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Voici que je livre entre tes mains Séon, roi de Hézebon, Amoréen, ainsi que son pays. Commence à t'en emparer, engage le combat avec lui. Dès aujourd'hui, je vais répandre la frayeur et la crainte de ton nom sur tous les peuples qui sont sous tous les cieux, en sorte que, au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront dans l'angoisse à cause de toi. Du désert de Kadémoth, j'envoyai des messagers à Séon, roi de Hézebon, avec des paroles de paix, lui faisant dire « Que je puisse passer par ton pays. Je suivrai le grand chemin, sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne veux que passer avec mes pieds. » C'est ce qu'ont fait pour moi les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, et les Moabites qui habitent en Ar. Jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer dans le pays que le Seigneur, notre Dieu, nous donne. » Mais Séon, roi de Hézebon, ne voulut pas nous laisser passer chez lui, car le Seigneur, ton Dieu, avait endurci son esprit et rendu son cœur inflexible, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. Le Seigneur me dit, « Voici que j'ai commencé de te livrer Séon et son pays. Commence à le conquérir afin de prendre possession de son pays. » Séon sortit à notre rencontre, avec tout son peuple, pour nous livrer bataille à Jaza. Et le Seigneur, notre Dieu, nous le livra et nous le battîmes, lui et ses fils et tout son peuple. Nous prîmes alors toutes ces villes et nous dévouâmes par anathème toutes villes, les hommes, les femmes et les enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement, nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Aroer qui est sur le bord de la vallée d'Arnon, et depuis la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galaad, il n'y eut pas de ville trop inaccessible pour nous. Le Seigneur, notre Dieu, nous les livra toutes. Mais tu n'approchas pas du pays des enfants d'Ammon, ni d'aucun endroit qui est sur le bord du torrent de Jabbok, ni des villes de la montagne, ni d'aucun des lieux dont le Seigneur, notre Dieu, t'avait défendu de t'emparer. Chapitre 3. Nous étant tournés, nous montâmes par le chemin de Bazan. Et Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous livrer bataille à Édraï. Le Seigneur me dit, « Ne le crains point, car je l'ai livré entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Séon, roi des Amoréens, qui habitait à Hézebon. Et le Seigneur, notre Dieu, livra aussi entre nos mains Og, roi de Bazan, avec tout son peuple. Nous le battîmes jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus aucun de ses gens. Nous prîmes alors toutes ses villes, et il n'y en eut pas une qui ne tombât entre notre pouvoir. 60 villes, toute la région d'Argob, le royaume d'Og en Bazan. Toutes ces villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des barres, sans compter les villes sans murailles, en très grand nombre. Nous les dévouâmes par anathème, comme nous l'avions fait pour Séon, roi de Hézebon, dévouant par anathème villes, hommes, femmes et enfants. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. Ainsi, dans ce temps-là, nous prîmes aux deux rois des Amoréens le pays qui est au-delà du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne d'Hermon. Les Sidoniens appellent l'Hermon Sarion et les Amoréens Sanir. Toutes les villes de la plaine, tout Galaad et tout Bazan, jusqu'à Selcha et Édraï, villes du royaume d'Og en Bazan. Car Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici, son lit, un lit en fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'hommes. Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroer qui domine la vallée de l'Arnon, ainsi que la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes. Je donnai à la demi-tribu de Manassé le reste de Galaad et toute la partie de Bazan formant le royaume d'Og. Toute la contrée d'Argob, avec tout Bazan, c'est ce qu'on appelle le pays des Réphaïm. Jaïr, fils de Manassé, obtint toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Gessuriens et des Macatiens. Et il donna son nom au bourg de Bazan, appelé bourg de Jaïr, jusqu'à ce jour. Je donnai Galaad à Machir. Aux Rubénites et aux Gadites, je donnai une partie de Galaad et le pays jusqu'au torrent de l'Arnon, le milieu de la vallée servant de limite, et jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des enfants d'Ammon, ainsi que l'Araba, avec le Jourdain pour limite, depuis Sénéret jusqu'à la mer d'Araba, la mer Salée, au pied des pentes du Phasga, vers l'Orient. En ce temps-là, je vous donnais cet ordre. Le Seigneur, votre Dieu, vous a donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Vous tous, hommes forts, vous marcherez en armes devant vos frères, les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux. Je sais que vous avez de nombreux troupeaux. Resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que le Seigneur ait accordé le repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent, eux aussi, le pays que le Seigneur, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Alors vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnai aussi des ordres à Josué en disant « Tes yeux ont vu tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera le Seigneur à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car le Seigneur, votre Dieu, combat lui-même pour vous. » En ce temps-là, je suppliai le Seigneur en disant « Seigneur l'Éternel, Vous avez commencé à montrer à votre serviteur votre grandeur et votre main puissante. Car quel Dieu y a-t-il, au ciel et sur la terre, qui puisse accomplir vos œuvres et vos hauts faits? Que je passe, je vous prie, que je voie ce bon pays au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. Mais le Seigneur s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'exauça point. Le Seigneur me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Fasga, porte tes regards vers l'Occident, vers le Nord, vers le Midi et vers l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et encourage-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Phogor. » Chapitre 4. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne pour les mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous entriez et que vous possédiez le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous prescris. Vos yeux ont vu ce que le Seigneur a fait à cause de Baal-Phogor. Le Seigneur, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Phogor. Tandis que vous, qui vous êtes attachés au Seigneur, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour le posséder. Vous les observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et diront « Certes, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux près d'elle, comme nous avons le Seigneur, notre Dieu, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Seulement, prends garde à toi et garde attentivement ton âme, de peur d'oublier les choses que tes yeux ont vues, et de les laisser sortir de ton cœur un seul jour de ta vie. Mais enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant le Seigneur, ton Dieu, en Horeb, lorsque le Seigneur me dit « Assemble-moi le peuple, je leur ferai entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était en feu, et la flamme s'élevait jusque dans les profondeurs du ciel, parmi des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Alors le Seigneur vous parla du milieu du feu. Vous entendiez le son des paroles, mais sans voir de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il promulgua son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, savoir les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, le Seigneur me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances pour que vous les pratiquiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où le Seigneur vous parla du milieu du feu en Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, figure de quelque idole, image d'homme ou de femme, toute image d'animal qui vit sur la terre, toute image d'oiseau qui vole dans le ciel, toute image de bête qui rampe sur le sol, toute image de poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. De peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois attiré à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte, eux que le Seigneur, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples qui sont partout sous le ciel. Mais vous, le Seigneur vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise à fondre le fer. de l'Égypte pour devenir le peuple de son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et le Seigneur s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai pas le Jourdain, et que je n'entrerai pas dans le bon pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne en héritage. Je vais mourir dans ce pays-ci, sans passer le Jourdain. Mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Prenez garde à vous, pour ne pas oublier l'alliance que le Seigneur, votre Dieu, a contractée avec vous, et ne pas vous faire d'image taillée, de figure quelconque de ce que le Seigneur, ton Dieu, t'a défendu. Car le Seigneur, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous aurez longtemps habité le pays, si vous vous corrompez et si vous vous faites quelque image taillée, figure de quoi que ce soit, faisant ainsi ce qui est mal aux yeux du Seigneur, ton Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous périrez bientôt et disparaîtrez du pays dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Le Seigneur vous dispersera parmi les peuples, et vous resterez en petit nombre au milieu des nations où le Seigneur vous mènera. Et là vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne voient point, n'entendent point, ne mangent point et ne sentent point. De là vous chercherez le Seigneur, ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au milieu de ta détresse, quand toutes ces choses seront venues sur toi, dans les derniers jours, tu retourneras au Seigneur, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car c'est un Dieu compatissant que le Seigneur, ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas son alliance avec tes pères, qu'il leur a jurée. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité. Est-il jamais arrivé si grande chose? Et a-t-on jamais entendu rien de pareil? Un peuple a-t-il entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu? Et est-il demeuré vivant? Jamais un Dieu essaya-t-il de venir prendre pour lui une nation du milieu d'une autre nation, par des épreuves, des signes, des miracles, par la guerre, à main forte et à bras étendus, et par de grandes épouvantes, selon tout ce qu'a fait pour vous le Seigneur votre Dieu, sous tes yeux, en Égypte. Ces choses t'ont été montrées, afin que tu connusses que c'est le Seigneur qui est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux, il t'a fait sortir d'Égypte par sa présence, par sa grande puissance, pour chasser devant toi des nations plus nombreuses et plus fortes que toi, pour te faire entrer dans leur pays et te le donner en héritage, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et grave dans ton cœur que c'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a point d'autre. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et afin que tu prolonges tes jours dans toute la suite des âges, sur la terre que te donne le Seigneur, ton Dieu. Alors Moïse mit à part trois villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, afin qu'elles servissent de refuge au meurtrier qui aurait tué son prochain par mégarde, sans avoir été auparavant son ennemi, et que, en se réfugiant dans l'une de ces villes, il sauva sa vie. Ce furent Bozor, dans le désert, dans la plaine pour les Rubénites, Ramoth, en Galaad, pour les Gadites, et Golan, en Basan, pour les Manassites. C'est ici que la loi que Moïse mit devant les yeux des enfants d'Israël, ce sont les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse donna aux enfants d'Israël lors de leur sortie d'Égypte.

parmi toute chair, quel est celui qui a entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré en vie? Toi, approche-toi, et écoute tout ce que dira le Seigneur, notre Dieu, et tu nous rapporteras tout ce que t'aura dit le Seigneur, notre Dieu. Nous l'écouterons, et nous le ferons. Le Seigneur entendit vos paroles, tandis que vous me parliez. Et le Seigneur me dit, « J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur donne en possession. Vous aurez soin de faire ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche, mais vous suivrez en tout la voie que le Seigneur, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. » Chapitre 6. Voici le commandement, les lois et les ordonnances que le Seigneur, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner pour que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession. Afin que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, toi, ton fils et le fils de ton fils, en observant tous les jours de ta vie toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ta main pour te servir de signe, et ils seront comme un frontal entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque le Seigneur, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner, grande et bonne ville que tu n'as pas bâtie, maison pleine de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, citerne que tu n'as pas creusée, vignes et oliviers que tu n'as pas plantés, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier le Seigneur, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous, car le Seigneur, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu jaloux. La colère du Seigneur, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point le Seigneur, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez avec soin les commandements du Seigneur, votre Dieu, ses préceptes et ses lois qu'il t'a prescrites. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux du Seigneur, afin que tu sois heureux, que tu entres pour le posséder, dans le bon pays que le Seigneur a promis par serment à tes pères, lorsqu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme le Seigneur l'a dit. Lorsque ton fils t'interrogera un jour en disant « Qu'est-ce que ces commandements, ces lois et ces ordonnances que le Seigneur, notre Dieu, vous a prescrits ?» Tu diras à ton fils « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Le Seigneur a opéré, sous nos yeux, des miracles et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères. Le Seigneur nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre le Seigneur, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve en vie, comme il le fait aujourd'hui. Et ce sera pour nous la justice si nous prenons garde à pratiquer tous ces préceptes en présence du Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Chapitre 7. Lorsque le Seigneur, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Héthéens, les Gergéséens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérézéens, les Hévéens et les Jébuséens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, et que le Seigneur, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par anathème. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec elles. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car elles détourneraient de marcher après moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. La colère du Seigneur s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Mais voici comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs achérim, et vous livrerez au feu leur image taillée. Car tu es un peuple saint au Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur, ton Dieu, t'a choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous surpassiez en nombre tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais parce que le Seigneur vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante et vous a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle qui garde l'alliance et la miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Mais il rend la pareille en face à ceux qui le haïssent, en les faisant périr. Il ne tarde point à l'égard de celui qui le hait, et il lui rend la pareille en face. C'est pourquoi tu observeras les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, en les mettant en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les gardez et les mettez en pratique, en retour le Seigneur, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, les portées de tes vaches et les petits de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Le Seigneur éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces affections malignes d'Égypte que tu connais, mais il en affligera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que le Seigneur, ton Dieu, va te livrer. Ton œil sera sans pitié pour eux, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Que si tu dis dans ton cœur, « Ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser ?» Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que le Seigneur, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, par lesquels le Seigneur, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera le Seigneur, ton Dieu, à tous les peuples dont tu as peur. Le Seigneur, ton Dieu, enverra même sur eux les frelons, jusqu'à ce que soient détruits ceux qui auront pu échapper et se cacher devant toi. Tu ne t'effrayeras point à cause d'eux, car le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Dieu grand et terrible. Le Seigneur, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. Le Seigneur, ton Dieu, te les livrera, et il jettera parmi elles une grande consternation, jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Personne ne tiendra devant toi, jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous consumerez par le feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point l'argent ou l'or qui est sur elles, et tu ne le prendras point pour toi, de peur qu'il ne te soit un piège, car il est en abomination au Seigneur, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme elle, dévoué par anathème. Tu l'auras en horreur extrême, tu l'auras en extrême abomination, car c'est une chose dévouée par anathème. Chapitre 8. Vous aurez soin de mettre en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez, que vous entriez et que vous preniez possession du pays que le Seigneur a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin par lequel le Seigneur, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître les sentiments de ton cœur, si tu garderas ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années, afin que tu reconnaisses en ton cœur que le Seigneur, ton Dieu, t'instruit comme un homme instruit son enfant, et que tu observes les commandements du Seigneur, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en le craignant. Car le Seigneur, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de torrents, de sources et d'eaux profondes, qui jaillissent dans les vallées et les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers, d'huile et de miel, pays où tu mangeras du pain en abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tireras l'airain. Tu mangeras et te rassasieras, et tu béniras le Seigneur, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu, négligeant d'observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui, de peur que, quand tu mangeras et te rassasieras, que tu bâtiras et habiteras de belles maisons, que tu verras se multiplier tes bœufs et tes brebis, s'augmenter ton argent, ton or, et s'augmenter tous tes biens, ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a conduit dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a donné à manger dans le désert une manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien, et que tu ne dises en ton cœur « C'est ma force et la vigueur de ma main qui m'ont procuré ces richesses. » Souviens-toi du Seigneur, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin d'accomplir, comme tu le vois aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si, oubliant le Seigneur, ton Dieu, il t'arrive d'aller après d'autres dieux, de les servir et de te prosterner devant eux, j'atteste aujourd'hui contre vous que vous périrez certainement. Comme les nations que le Seigneur fait périr devant vous, ainsi vous périrez, parce que vous n'aurez pas écouté la voix du Seigneur, votre Dieu. Chapitre 9. Écoute, Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour marcher à la conquête de nations plus grandes et plus puissantes que toi. de grandes villes dont les murailles s'élèvent jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute stature, des enfants des Énassim que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Enak? Sache aujourd'hui que le Seigneur, ton Dieu, passera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, lui qui les humiliera devant toi. Tu les chasseras et tu les feras périr promptement, comme le Seigneur te l'a dit. Ne dis pas dans ton cœur, lorsque le Seigneur, ton Dieu, les chassera de devant toi. C'est à cause de ma justice que le Seigneur m'a fait venir pour prendre possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que le Seigneur les chasse de devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu viens prendre possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que le Seigneur, ton Dieu, les chasse de devant toi. C'est aussi pour accomplir la parole que le Seigneur a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que le Seigneur, ton Dieu, te donne ce bon pays en propriété, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas combien tu as irrité le Seigneur, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles envers le Seigneur. Même en Horeb, vous avez excité le Seigneur à la colère, et le Seigneur fut irrité contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Lorsque je montais sur la montagne, pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec vous, je demeurais sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et le Seigneur me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que le Seigneur vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Au bout des 40 jours et des 40 nuits, le Seigneur me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Le Seigneur me dit alors, « Lève-toi, descends vite d'ici, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. Et le Seigneur me dit, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi, que je les détruise et que j'efface leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je me tournai et je descendis de la montagne, et la montagne était tout en feu. Et j'avais dans mes 2 mains les 2 tables de l'Alliance. Je regardai, et voici que vous aviez péché contre le Seigneur, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte, et vous vous étiez promptement écarté de la voie que le Seigneur vous avait prescrite. Alors, saisissant les 2 tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Et je tombai devant le Seigneur, comme la première fois, pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, de manière à l'irriter. Car j'étais effrayé en voyant la colère et la fureur dont le Seigneur était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais cette fois encore le Seigneur m'exauça. Le Seigneur était aussi fortement irrité contre Aaron, au point de vouloir le faire périr. Et j'intercédais aussi pour Aaron en ce temps-là. Je pris le péché que vous aviez fait, le veau d'or. Je le brûlai au feu, je le broyai jusqu'à ce qu'il fût bien réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéhéra, à Massa et à Kibroth Hataava, vous avez encore excité le Seigneur à la colère. Et lorsque le Seigneur vous envoya de Kadès-Barnée en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous fûtes rebelles à l'ordre du Seigneur, votre Dieu. Vous n'eûtes pas foi en lui et vous n'obéîtes pas à sa voix. Vous avez été rebelles au Seigneur depuis le jour où je vous ai connu. Je me prosternai donc devant le Seigneur pendant les 40 jours et les 40 nuits que je restais prosterné. car le Seigneur parlait de vous détruire. Je priai le Seigneur et je dis : Seigneur, l'Éternel, ne détruisez pas votre peuple, votre héritage, que vous avez racheté par votre grandeur, que vous avez fait sortir d'Égypte par votre main puissante. Souvenez-vous de vos serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regardez point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où vous nous avez fait sortir ne dise « Parce que le Seigneur n'avait pas le pouvoir de les faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis, et parce qu'il les haïssait, il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Et pourtant ils sont votre peuple et votre héritage, que vous avez fait sortir d'Égypte par votre grande puissance et par votre bras étendu. » Chapitre 10. En ce temps-là, le Seigneur me dit : Taille-toi deux tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, et, ayant taillé deux tables de pierre comme les premières, je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main. Il écrivit sur ces tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles que le Seigneur avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et le Seigneur me les donna. Je me tournai, et, étant descendu de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y sont restées comme le Seigneur me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Béroth Béné-Jacan pour Moséra. Là mourut Aaron, et il y fut enterré. Éléazar, son fils, fut grand prêtre à sa place. De là ils partirent pour Gad-Gad, et de Gad-Gad pour Jetébata, pays riche en cours d'eau. En ce temps-là, le Seigneur sépara la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'Alliance du Seigneur, pour se tenir devant le Seigneur, pour le servir et pour bénir en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. C'est le Seigneur qui est son héritage, comme le Seigneur, ton Dieu, le lui a dit. Je me tins sur la montagne, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits, et le Seigneur m'exauça encore cette fois. Le Seigneur ne voulut pas te détruire. Le Seigneur me dit : Lève-toi, va te mettre à la tête du peuple, qu'ils entrent et qu'ils prennent possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en marchant dans toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les commandements du Seigneur et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Vois, au Seigneur, ton Dieu, appartiennent le ciel et le ciel des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Et c'est leur postérité après eux, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne raidissez plus votre cou, car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Il est ta louange, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait pour toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant le Seigneur, ton Dieu, a fait de toi une multitude comme les étoiles du ciel. Chapitre 11. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu observeras ce qu'il demande de toi, ses lois, ses ordonnances et ses commandements tous les jours de ta vie. Reconnaissez aujourd'hui, car je ne m'adresse pas à vos enfants qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu les leçons du Seigneur, votre Dieu. Reconnaissez sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses prodiges et ses œuvres qu'il a faites au milieu de l'Égypte, contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars. Comment il a précipité sur eux les eaux de la mer Rouge, lorsqu'ils vous poursuivaient. Et comment le Seigneur les a détruits jusqu'à ce jour. Reconnaissez ce qu'il a fait pour vous dans le désert, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Ce qu'il a fait à Dathan et Abiron, fils d'Éliab, fils de Ruben, que la terre, ouvrant sa bouche, engloutit, avec leurs maisons, leurs tentes et toutes les personnes de leur suite, au milieu de tout Israël. Car vos yeux ont vu toutes les grandes œuvres que le Seigneur a faites. Vous observerez donc tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous soyez forts, que vous entriez et que vous vous rendiez maître du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours sur la terre que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays où tu vas entrer pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, que tu ensemençais et que tu arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Mais le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. Un pays dont le Seigneur, ton Dieu, prend soin, et sur lequel le Seigneur a continuellement les yeux, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, aimant le Seigneur, votre Dieu, et le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et celle de la dernière saison, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi de l'herbe dans tes champs pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit, que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux et ne vous prosterniez devant eux. La colère du Seigneur s'enflammerait contre vous. Il fermerait le ciel, et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait pas ses produits, et vous péririez promptement dans le bon pays que le Seigneur vous donne. Mettez donc sur votre cœur et sur votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez, soit quand tu resteras dans ta maison, ou que tu iras en voyage, soit quand tu te coucheras, ou que tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin que vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner, soient aussi nombreux que les jours des cieux au-dessus de la terre. Car si vous observez soigneusement tous ces commandements que je vous prescris d'accomplir, aimant le Seigneur, votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, le Seigneur chassera toutes ces nations devant vous, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra devant vous. Le Seigneur, votre Dieu, répandra devant vous, comme il vous l'a dit, la crainte et l'effroi sur tout le pays où vous mettrez le pied. Voici que je mets aujourd'hui devant vous une bénédiction et une malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement du Seigneur, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous n'avez pas connus, Et lorsque le Seigneur, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas pour en prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans l'Araba, vis-à-vis de Galgala, près des térébintes de Morée? Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous aurez donc soin d'observer toutes les lois et toutes les ordonnances que je mets aujourd'hui devant vous. Chapitre 12. Voici les lois et les ordonnances que vous aurez soin de mettre en pratique dans le pays que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous a donné pour le posséder, tout le temps que vous vivrez sur ce sol. Vous détruirez entièrement tous les lieux où les nations que vous allez chasser servaient leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous livrerez au feu leurs achérim. Vous mettrez en pièces les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître de ces lieux jusqu'à leur nom. Vous ne ferez pas ainsi à l'égard du Seigneur, votre Dieu. Mais vous le chercherez au lieu que le Seigneur, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y mettre son nom et en faire sa demeure. Et c'est là que tu iras. C'est là que vous présenterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et ce que votre main aura prélevé, vos vœux et vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de vos bœufs et de vos brebis. C'est là que vous ferez des repas sacrés devant le Seigneur, votre Dieu, et que vous vous réjouirez, vous et vos familles, en jouissant de tous les biens que votre main aura acquis et par lesquels le Seigneur, ton Dieu, t'aura béni. Vous ne ferez pas, selon tout ce que nous faisons maintenant ici, chacun ce que bon lui semble, parce que vous n'êtes pas encore arrivé au repos et à l'héritage que te donne le Seigneur, ton Dieu. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera en héritage, et il vous donnera du repos en vous protégeant contre tous les ennemis qui vous entourent, et vous habiterez en sécurité. Alors, dans le lieu que le Seigneur, votre Dieu, choisira pour y faire habiter son nom, c'est là que vous présenterez tout ce que je vous commande, vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et ce que votre main aura prélevé, et toutes les offrandes de choix pour l'accomplissement de vos vœux que vous ferez au Seigneur. Et vous vous réjouirez en présence du Seigneur, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a reçu ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que le Seigneur aura choisi dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je te commande. Tu pourras néanmoins, tant que tu le désireras, tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera le Seigneur, ton Dieu. L'homme impur et l'homme pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. Mais vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur la terre, comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de tes bœufs et de tes brebis, ni toutes les offrandes que tu auras vouées, ni tes offrandes volontaires, ni ce que ta main aura prélevé. C'est devant le Seigneur, ton Dieu, dans le lieu que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi, que tu les mangeras. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes. Tu te réjouiras devant le Seigneur, ton Dieu, en jouissant de tous les biens que ta main aura acquis. Garde-toi de délaisser le Lévite aussi longtemps que tu vivras sur ton sol. Lorsque le Seigneur, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que tu diras « Je veux manger de la viande », ton âme éprouvant le désir de manger de la viande, tu pourras manger de la viande toutes les fois que tu le désireras. Si le lieu que le Seigneur, ton Dieu, choisira pour y mettre son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer de tes bœufs et de tes brebis que le Seigneur t'a donné, selon que je te l'ai prescrit, et tu en mangeras dans tes portes, toutes les fois que tu le désireras. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle ou du cerf. L'homme pur ou l'homme impur en mangeront l'un et l'autre. Seulement tiens ferme à ne pas manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne la mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Mais les saintes offrandes qui te sont demandées et celles que tu as vouées, tu les prendras et tu iras au lieu que le Seigneur aura choisi, et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel du Seigneur, ton Dieu. Dans les autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel du Seigneur, ton Dieu, et tu mangeras la chair. Observe et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et droit aux yeux du Seigneur. Lorsque le Seigneur, ton Dieu, aura exterminé les nations là où tu vas pour les chasser de devant toi, que tu les auras chassés et que tu habiteras dans leur pays, prends garde que tu ne sois pris au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de rechercher leur Dieu en disant « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Je veux faire de même, moi aussi. » Tu n'agiras pas ainsi à l'égard du Seigneur, ton Dieu, car elles faisaient pour leur Dieu toutes les abominations que déteste le Seigneur. Et même elles livrent au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Chapitre 13. Toutes les choses que je vous prescris, vous les observerez en les mettant en pratique, sans y rien ajouter et sans en rien retrancher. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et que s'accomplisse le signe ou le prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car le Seigneur, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est après le Seigneur, votre Dieu, que vous irez, c'est lui que vous craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Et ce prophète ou ce songeur sera mis à mort, car il a prêché la révolte contre le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, pour te détourner de la voie dans laquelle le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami qui est comme ta propre âme, t'incite en secret en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'un bout de la terre à l'autre. » Tu ne lui céderas pas et tu ne l'écouteras pas. Ton œil sera sans pitié pour lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu l'accableras de pierres jusqu'à ce qu'il meure, parce qu'il a cherché à te détourner du Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout Israël l'apprendra et sera dans la crainte, afin que l'on ne commette plus une action aussi criminelle au milieu de toi. Si tu entends dire de l'une des villes que le Seigneur, ton Dieu, t'a donné pour demeure, Des gens pervers, sortis du milieu de toi, ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. » Tu feras une enquête, tu examineras, tu interrogeras avec soin. Si ce bruit est vrai et le fait établi, si cette abomination a été commise au milieu de toi, alors tu ne manqueras pas de passer au fil de l'épée les habitants de cette ville, la dévouant par anathème avec tout ce qu'elle contient, et tu passeras aussi son bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout son butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin, pour le Seigneur, ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera plus rebâtie. Rien de ce qui aura été dévoué par anathème ne s'attachera à ta main, afin que le Seigneur revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse grâce et miséricorde, et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères, si tu obéis à la voix du Seigneur, ton Dieu, en observant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux du Seigneur, ton Dieu. Chapitre 14. Vous êtes les enfants du Seigneur, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision, et vous ne vous tondrez point une place entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint au Seigneur, ton Dieu. Et le Seigneur t'a choisi pour lui être un peuple particulier entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux dont vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre. Le cerf, la gazelle et le daim. Le bouquetin, l'antilope, le bœuf sauvage et la chèvre sauvage. Vous mangerez de tout animal qui a la corne divisée et le pied fourchu, et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont seulement la corne divisée et le pied fourchu. Tels sont le chameau, le lièvre et le lapin, qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne divisée. Ils seront impurs pour vous. Tel est encore le porc, qui a la corne divisée, mais qui ne rumine pas. Il sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux que vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tout ce qui a nageoire et écaille, mais tout ce qui n'a pas nageoire et écaille, vous ne le mangerez pas. Ce sera impur pour vous. Vous mangerez tout oiseau pur. Voici ceux dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'orfraie et le vautour, le faucon, le milan et toute espèce d'autour, toute espèce de corbeau, l'autruche, le hibou, la mouette et toute espèce d'épervier, le chat-huant, l'ibis et la chouette, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne et toute espèce de héron, la huppe et la chauve-souris. Vous regarderez comme impur tout insecte ailé, on n'en mangera pas. Vous mangerez tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui est dans tes portes pour qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger. Car tu es un peuple saint au Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu lèveras la dîme de tout le produit de tes semailles, de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant le Seigneur, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de tes bœufs et de tes brebis, afin que tu apprennes à craindre le Seigneur, ton Dieu, à jamais. Mais si le chemin est trop long pour toi, et que tu ne puisses l'y transporter, parce que le lieu que le Seigneur choisira pour y faire habiter son nom sera trop loin de toi, lorsque le Seigneur, ton Dieu, t'aura béni, tu échangeras ta dîme pour de l'argent, et, ayant serré l'argent dans ta main, tu iras au lieu que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que désirera ton âme, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fermentées, tout ce que demandera ton âme. Et tu mangeras là devant le Seigneur, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. À la fin de chaque troisième année, tu mettras à part toute la dîme de tes produits de cette année-là, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans toutes les œuvres que tu entreprendras de tes mains. Chapitre 15. À la fin de chaque septième année, tu feras rémission. Voici comment se pratiquera la rémission. Tout créancier qui aura fait un prêt accordera rémission pour ce qu'il a prêté à son prochain. Il ne pressera pas son prochain et son frère quand on aura publié la rémission du Seigneur. Tu pourras presser l'étranger, mais pour ce qui t'appartient chez ton frère, ta main fera rémission, afin qu'il n'y ait pas de pauvre chez toi. Car le Seigneur te bénira certainement dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, t'a donné en héritage pour le posséder. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix du Seigneur, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Car le Seigneur, ton Dieu, te bénira, comme il te l'a dit. Tu feras des prêts à beaucoup de nations, et toi, tu n'emprunteras pas. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi un pauvre d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins selon ce qui lui manque. Prends garde qu'il ne s'élève dans ton cœur cette pensée basse. La septième année, l'année de rémission approche. Et que ton œil ne soit mauvais envers ton frère pauvre, de peur que tu ne lui donnes rien, et qu'il ne crie au Seigneur contre toi, et que tu ne sois chargé d'un péché. Tu dois lui donner, et, en lui donnant, que ton cœur n'ait pas de regret. Car, à cause de cela, le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il ne manquera jamais de pauvres au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à l'indigent et aux pauvres dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans, et, la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas à vide. Mais tu ne manqueras pas de lui donner des présents de ton menu bétail, de ton aire et de ton pressoir. Tu lui donneras une part des biens dont le Seigneur, ton Dieu, t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Mais si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi », parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi. Alors, prenant un poinçon, tu lui perceras l'oreille contre la porte de ta maison, et il sera pour toujours ton serviteur. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point pénible de le renvoyer libre de chez toi, car, en te servant 6 ans, il t'a valu le double du salaire d'un mercenaire. Et le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras au Seigneur, ton Dieu, tout premier-né mâle qui naîtra dans ton bétail, gros et menu. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Mais tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant le Seigneur, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi. Mais s'il a une difformité, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a toute autre difformité mauvaise, tu ne l'offriras pas en sacrifice au Seigneur, ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes. L'homme impur et l'homme pur en mangeront l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle ou du cerf. Seulement tu n'en mangeras pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Chapitre 16. Observe le mois d'Abib et célèbre la Pâque en l'honneur du Seigneur, ton Dieu. Car c'est au mois d'Abib que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu immoleras la Pâque au Seigneur, ton Dieu, les brebis et les bœufs, au lieu que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Avec ces victimes, tu ne mangeras pas du pain levé, mais pendant 7 jours tu mangeras des pains sans levain, du pain d'affliction. Car c'est en hâte que tu es sorti du pays d'Égypte, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain dans toute l'étendue de ton territoire pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu auras immolées le soir du premier jour ne restera pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans chacune de tes villes que te donnera le Seigneur, ton Dieu. Mais c'est au lieu que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom, que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, au temps de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras au lieu qu'aura choisi le Seigneur, ton Dieu. Et tu t'en retourneras le matin pour aller dans tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour sera l'assemblée solennelle en l'honneur du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise au blé, tu commenceras à compter 7 semaines. Et tu célébreras la fête des semaines en l'honneur du Seigneur, ton Dieu, avec les offrandes volontaires de tes mains, que tu feras selon que le Seigneur, ton Dieu, t'aura béni. Tu te réjouiras en présence du Seigneur, ton Dieu, dans le lieu que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu auras soin de mettre ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, lorsque tu auras recueilli le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur du Seigneur, ton Dieu, dans le lieu que le Seigneur aura choisi. Car le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu seras tout entier à la joie. 3 fois par année, tout mâle d'entre vous se présentera devant le Seigneur, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, à la fête des azimes, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Il ne paraîtra pas devant le Seigneur les mains vides. Chacun fera ses offrandes, selon ce qu'il peut donner, selon les bénédictions que le Seigneur, ton Dieu, lui aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que le Seigneur, ton Dieu, te donnera, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne feras point fléchir le droit, tu n'auras point égard aux personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras strictement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que te donne le Seigneur, ton Dieu. Tu ne planteras pas d'Achéra, aucun bois, à côté de l'autel que tu élèveras au Seigneur, ton Dieu. Tu ne dresseras point de ces stèles qui sont en aversion au Seigneur, ton Dieu. Chapitre 17. Tu ne sacrifieras au Seigneur, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car c'est une abomination au Seigneur, ton Dieu. S'il se trouve au milieu de toi, dans l'une de tes villes que le Seigneur, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux du Seigneur, ton Dieu, en transgressant son alliance, qui aille à d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, devant le soleil, ou la lune, ou toute l'armée du ciel, ce que je n'ai pas commandé, quand la chose t'aura été rapportée, quand tu l'auras appris, tu feras d'exactes recherches. Si le bruit est vrai et le fait bien établi, si cette abomination a été commise en Israël, alors tu feras conduire aux portes de ta ville l'homme ou la femme coupable de cette mauvaise action, l'homme ou la femme, et tu les lapideras jusqu'à ce qu'ils meurent. Sur la parole de deux témoins ou de trois témoins, on mettra à mort celui qui doit mourir. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et ensuite la main de tout le peuple. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si une affaire relative à un meurtre, à une contestation, à une blessure, objet de litige dans tes portes, te paraît trop difficile, tu te lèveras et tu monteras au lieu que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi. Tu iras trouver les prêtres lévitiques et le juge en fonction à ce moment. Tu les consulteras et ils te feront connaître ce qui est conforme au droit. Tu agiras d'après la sentence qu'ils t'auront fait connaître dans le lieu que le Seigneur aura choisi, et tu auras soin d'agir selon tout ce qu'ils enseigneront. Tu agiras selon la loi qu'ils enseigneront et selon la sentence qu'ils auront prononcée, sans te détourner ni à droite ni à gauche de ce qu'ils t'auront fait connaître. Celui qui, se laissant aller à l'orgueil, agira sans écouter le prêtre qui se tient là pour servir le Seigneur, ton Dieu, ou sans écouter le juge, sera puni de mort. Ainsi tu ôteras le mal du milieu d'Israël. Et tout le peuple, en l'apprenant, craindra et ne se laissera plus aller à l'orgueil. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, que tu en auras pris possession, et que tu y auras établi ta demeure, si tu dis « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. » Tu mettras sur toi un roi que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi. C'est du milieu de tes frères que tu prendras un roi pour l'établir sur toi. Tu ne pourras pas te donner pour roi un étranger qui ne serait pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car le Seigneur vous a dit, « Vous ne retournerez plus désormais par ce chemin-là. » Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, de peur que son cœur ne se détourne. Qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Dès qu'il sera assis sur le trône de sa royauté, il écrira pour lui sur un livre une copie de cette loi, d'après l'exemplaire qui est chez les prêtres lévitiques. Il l'aura avec lui, et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre le Seigneur, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances en les mettant en pratique, pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne des commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Chapitre 18. Les prêtres lévitiques, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices du Seigneur faits par le feu et de son héritage. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Le Seigneur est leur héritage, comme il leur a dit. Voici quel sera le droit des prêtres sur le peuple, sur ceux qui sacrifieront un bœuf ou une brebis. On donnera aux prêtres l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que le Seigneur, ton Dieu, a choisi d'entre toutes les tribus pour se tenir devant le Seigneur et faire le service au nom du Seigneur, lui et ses fils, à toujours. Si un Lévite quitte l'une de tes villes, le lieu quelconque du territoire d'Israël où il demeure, pour venir, selon tout le désir de son âme, au lieu qu'aura choisi le Seigneur, et qu'il fasse le service au nom du Seigneur, son Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant le Seigneur, il aura pour sa nourriture une portion égale à la leur, indépendamment des produits de la vente de son patrimoine. Quand tu seras entré dans le pays que te donne le Seigneur, ton Dieu, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, aux augures, aux superstitions et aux enchantements, qui ait recours au charme, qui consulte les évocateurs et les sorciers, et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination au Seigneur. Et c'est à cause de ces abominations que le Seigneur, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras intègre avec le Seigneur, ton Dieu, car ces nations que tu vas chasser écoutent les augures et les devins. Mais à toi, le Seigneur, ton Dieu, ne le permet pas. Le Seigneur, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi. Vous l'écouterez. C'est ce que tu as demandé au Seigneur, ton Dieu, en Horeb, le jour de l'assemblée, en disant « Que je n'entende plus la voix du Seigneur, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, de peur de mourir. » Le Seigneur me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète tel que toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui s'enorgueillira jusqu'à dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. Que si tu dis dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que le Seigneur n'aura pas dite? Quand le prophète aura parlé au nom du Seigneur, si ce qu'il a dit n'arrive pas et ne se réalise pas, c'est là la parole que le Seigneur n'a pas dite. C'est par l'orgueil que le prophète l'a dite. Tu n'auras pas peur de lui. Chapitre 19. Lorsque le Seigneur, ton Dieu, aura exterminé les nations dont le Seigneur, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras trois villes au milieu du pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour le posséder. Tu tiendras en état les routes qui y conduisent, et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que le Seigneur, ton Dieu, va te donner en héritage, afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Voici dans quel cas le meurtrier qui s'y réfugiera aura la vie sauve. S'il a tué son prochain par mégarde, sans avoir été auparavant son ennemi. Ainsi un homme va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. Sa main brandit la hache pour abattre un arbre, le fer s'échappe du manche, atteint son compagnon et le tue. Cet homme s'enfuira dans l'une de ces villes et il aura la vie sauve. Autrement, le vengeur du sang, poursuivant le meurtrier dans l'ardeur de sa colère, l'atteindrait si le chemin était trop long et lui porterait un coup mortel. Et pourtant cet homme n'aurait pas mérité la mort, puisqu'il n'avait pas auparavant de haine contre la victime. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Mets à part trois villes. Et si le Seigneur, ton Dieu, élargit tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il te donne tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, aimant le Seigneur, ton Dieu, et marchant toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas versé au milieu du pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour héritage, et qu'il n'y ait pas de sang sur toi. Mais si un homme ayant de la haine contre son prochain lui dresse des embûches, se jette sur lui et lui porte un coup mortel, et qu'ensuite il s'enfuit dans l'une de ses villes, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Ton œil n'aura pas de pitié pour lui, et tu ôteras d'Israël le sang innocent, et tu prospéreras. Tu ne déplaceras pas la borne de ton prochain, posée par les ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour le posséder. Un seul témoin ne sera pas admis contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel que soit le péché commis. C'est sur la parole de 2 témoins ou sur la parole de 3 témoins que la chose sera établie. Lorsqu'un témoin à charge s'élèvera contre un homme pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation se présenteront devant le Seigneur, devant les prêtres et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin une enquête et, si le témoin se trouve être un faux témoin, s'il a fait contre son frère une fausse déposition, vous lui ferez subir ce qu'il avait dessein de faire subir à son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres, en l'apprenant, craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi mauvais au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Chapitre 20. Lorsque tu sortiras pour combattre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Quand vous vous disposerez au combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira : Écoute, Israël, vous vous disposez aujourd'hui au combat contre vos ennemis. Que votre cœur ne faiblisse point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez point et ne soyez point terrifiés devant eux. Car le Seigneur, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre pour vous contre vos ennemis et vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple en disant : Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas encore dédiée ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la dédie. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'a pas encore joui de ses fruits ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille, et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui s'est fiancé à une femme, et ne l'a pas encore épousée? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille, et qu'un autre ne l'épouse. Les officiers parleront encore au peuple et diront : Qui est-ce qui a peur et qui sent son cœur faiblir? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que le cœur de ses frères ne défaille pas comme le sien. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, on placera les chefs des troupes à la tête du peuple. Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle te fait une réponse de paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et te servira. Si elle ne fait pas la paix avec toi, et qu'elle veuille te faire la guerre, tu l'assiégeras, et, quand le Seigneur, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais les femmes, les enfants, le bétail, et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le prendras pour toi, et tu pourras manger le butin de tes ennemis que le Seigneur, ton Dieu t'aura donné. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très loin de toi et qui ne sont pas du nombre des villes de ces nations-ci. Mais quant aux villes de ces peuples que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour héritage, tu n'y laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoueras ces peuples par anathème. Les Héthéens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérézéens, les Hévéens et les Jébuséens, comme le Seigneur, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font envers leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre le Seigneur, votre Dieu. Si tu assièges une ville pendant de longs jours, combattant contre elle pour t'en emparer, tu ne détruiras pas les arbres en y portant la hache, car tu en mangeras le fruit, et tu ne les abattras pas. L'arbre des champs est-il un homme pour que tu l'assièges? Mais les arbres que tu sais n'être pas des arbres servant à la nourriture, tu pourras les détruire et les abattre, et en construire des machines contre la ville qui est en guerre avec toi, jusqu'à ce qu'elle succombe. Chapitre 21. Si, sur le sol que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour le posséder, on trouve un homme tué, gisant dans les champs, sans que l'on sache qui l'a frappé. Tes anciens et tes juges iront mesurer les distances jusqu'aux villes des environs de l'endroit où est l'homme tué. Et, quant à la ville la plus proche de l'homme tué, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'aura pas encore été employée au travail et qui n'aura pas tiré au joug. Les anciens de cette ville feront descendre la génisse vers un ruisseau permanent, dans un lieu qui n'a reçu ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque de la génisse dans le ruisseau. Les prêtres, fils de Lévi, s'approcheront, car ce sont eux que le Seigneur, ton Dieu, a choisis pour le servir et pour bénir au nom du Seigneur. Et c'est sur leurs paroles que se juge toute contestation et toute blessure. Tous les anciens de cette ville, comme étant les plus voisins de l'homme tué, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le ruisseau. Puis ils prendront la parole en disant « Nos mains n'ont pas répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont pas vu répandre. Pardonnez à votre peuple d'Israël que vous avez racheté, ô Seigneur, et ne laissez pas le sang innocent au milieu de votre peuple d'Israël. Et ce sang sera expié pour eux. C'est ainsi que tu ôteras du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Quand tu sortiras pour combattre contre tes ennemis, et que le Seigneur, ton Dieu, les aura livrés entre tes mains, et que tu leur feras des prisonniers, si tu vois parmi les captifs une femme de belle figure, et que, épris d'amour pour elle, tu veuilles l'épouser, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Alors elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Elle se dépouillera des vêtements de sa captivité. Elle demeurera dans ta maison et pleurera pendant un mois son père et sa mère. Après quoi, tu iras vers elle, tu seras son mari et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, et tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent. Tu ne la traiteras pas comme une esclave, car tu l'as eue pour femme. Si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elle lui ait enfanté des fils, aussi bien celle qui est aimée que celle qui est haïe. Si le fils premier-né est le fils de celle qui est haïe, il ne pourra pas, le jour où il mettra ses fils en possession de ses biens, faire premier-né le fils de celle qu'il aime, de préférence au fils de celle qu'il hait, celui-ci étant le premier-né. Mais il reconnaîtra comme premier-né le fils de celle qui est haïe, et lui donnera sur tous ses biens une portion double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur. C'est à lui qu'appartient le droit d'aînesse. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et, lors même qu'il le châtie, ne les écoutant pas, Son père et sa mère le saisiront et l'amèneront aux anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville : Notre fils que voici est indocile et rebelle. Il n'écoute pas notre voix, il se livre à la débauche et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, et tout Israël, en l'apprenant, craindra. Quand un homme, ayant commis un crime capital, aura été mis à mort, et que tu l'auras pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Mais tu ne manqueras pas de l'enterrer le jour même, car un pendu est l'objet de la malédiction de Dieu. Et tu ne souilleras pas ton pays, que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour héritage. Chapitre 22. Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère égaré dans les champs, tu ne t'en détourneras point, mais tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi, et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison, et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le recherche, et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, et tu feras de même pour son manteau, et tu feras de même pour tout objet perdu que ton frère aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne dois pas t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf s'abattre dans le chemin, tu ne t'en détourneras point. Tu ne manqueras pas de l'aider à les relever. Une femme ne portera pas un habit d'homme, et un homme ne mettra point un vêtement de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur, ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Tu ne manqueras pas de laisser aller la mère, et tu ne prendras pour toi que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre de sang sur ta maison, dans le cas où quelqu'un viendrait à tomber de là. Tu n'ensemenceras pas ta vigne de deux sortes de semences, de peur que le tout ne soit déclaré chose sainte, et la graine que tu as semée, et le produit de la vigne. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras pas un vêtement d'un tissu mélangé de laine et de lin réunis ensemble. Tu feras des glands aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme, après avoir pris une femme et être allé vers elle, vient à éprouver pour elle de l'aversion, et lui impute des choses déshonorantes et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, et, quand je suis venu vers elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. » Le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et, l'ayant prise en aversion, il lui impute des choses déshonorantes en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Alors les anciens de la ville saisiront cet homme et le châtilleront. En outre, ils lui imposeront une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme pour avoir porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si ce fait est vrai, et que la jeune femme ne soit pas trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et elle sera lapidée par les gens de sa ville jusqu'à ce qu'elle meure, parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, et vous les lapiderez jusqu'à ce qu'ils meurent. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, et qu'il lui fasse violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle mourra seul. Tu ne feras rien à la jeune fille. Il n'y a pas en elle de crime digne de mort, car c'est comme lorsqu'un homme se jette sur son prochain et le tue. Le cas est le même. L'homme l'a rencontré dans les champs, la jeune fille fiancée a crié, mais il n'y avait personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, la saisit et couche avec elle, et qu'il soit surpris, l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 sicles d'argent, et elle sera sa femme, parce qu'il l'a déshonorée. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Chapitre 23. Nul ne prendra la femme de son père, et ne soulèvera la couverture du lit de son père. Celui dont les testicules ont été écrasés, ou dont l'urètre a été coupé, n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Le fruit d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Même sa dixième génération n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. L'ammonite et le moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Même la dixième génération n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Ils n'y entreront jamais, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau, sur le chemin, lorsque vous sortiez d'Égypte, et parce que le roi de Moab a fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour te maudire. Mais le Seigneur, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam, et le Seigneur, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car le Seigneur, ton Dieu, t'aime. Tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, tant que tu vivras, à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront pourront, à la troisième génération, entrer dans l'assemblée du Seigneur. Quand tu marcheras en campement contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et ne rentrera pas au milieu du camp. Sur le soir, il se baignera dans l'eau et, après le coucher du soleil, il pourra rentrer au milieu du camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là-dehors que tu iras. Tu auras dans ton bagage une pelle avec laquelle tu feras un creux, quand tu iras t'asseoir à l'écart, et, en partant, tu recouvriras tes excréments. Car le Seigneur, ton Dieu, marche au milieu de ton camp, pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp doit donc être saint, afin que le Seigneur ne voie chez toi rien de malséant, et qu'il ne se détourne pas de toi. Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se sera enfui d'avec son maître et réfugié auprès de toi. Il demeurera avec toi, au milieu de ton pays, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où il se trouvera bien. Tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura point de prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura point de prostituée parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison du Seigneur, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le salaire d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination au Seigneur, ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour autre chose qui se prête à intérêt. Tu peux exiger un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras, dans le pays où tu vas entrer pour le posséder. Quand tu auras fait un vœu au Seigneur, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Sinon, le Seigneur, ton Dieu, t'en demanderait certainement compte, et tu serais chargé d'un péché. Si tu t'abstiens de faire des vœux, il n'y aura pas en toi de péché. Mais la parole sortie de tes lèvres, tu la garderas et l'accompliras, selon le vœu que tu auras fait librement au Seigneur, ton Dieu, et que tu auras prononcé de ta bouche. Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins selon ton désir et t'en rassasier, mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu ne mettras pas la faucille dans les blés de ton prochain. Chapitre 24. Lorsqu'un homme aura pris une femme et l'aura épousée, si elle vient à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de repoussant, il écrira pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Une fois sortie de chez lui, elle s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Mais si ce dernier mari la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et que, la lui ayant remise en main, il la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier mari qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari, qui l'a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant le Seigneur, et tu n'engageras pas dans le péché le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour héritage. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge publique. Il sera libre pour sa maison pendant un an, et il réjouira la femme qu'il a prise. On ne prendra pas en gage les deux meules, ni la meule de dessus. Ce serait prendre en gage la vie même. Si l'on trouve un homme qui ait enlevé l'un de ses frères, d'entre les enfants d'Israël, et en ait fait son esclave, ou l'ait vendu, ce ravisseur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre, observant avec soin et mettant en pratique tout ce que vous enseigneront les prêtres lévitiques. Tout ce que je leur ai prescrit, vous le mettrez soigneusement en pratique. Souviens-toi de ce que le Seigneur, ton Dieu, a fait à Marie pendant le voyage, lors de votre sortie d'Égypte. Si tu prêtes à ton prochain un objet quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour prendre son gage. Tu attendras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point avec son gage. Tu ne manqueras pas de lui rendre son gage au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et ce sera là une justice pour toi devant le Seigneur, ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, soit l'un de tes frères, soit l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Chaque jour tu lui donneras son salaire, sans que le soleil se couche sur cette dette, car il est pauvre et son âme l'attend. Autrement il crierait au Seigneur contre toi, et tu serais chargé d'un péché. Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères. Chacun sera mis à mort pour son péché. Tu ne violeras pas le droit de l'étranger, ni de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que le Seigneur, ton Dieu, t'a délivré. C'est pourquoi je te commande d'agir en cette manière. Quand tu feras ta moisson dans ton champ, si tu as oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne fouilleras pas après coup les branches. Le reste sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras pas après coup les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te commande d'agir en cette manière. Chapitre 25. Quand il s'élèvera une contestation entre des hommes, et qu'ils se seront présentés au jugement, qu'on les aura jugés, qu'on aura absous l'innocent et condamné le coupable, si le coupable a mérité d'être battu, le juge le fera étendre par terre et battre en sa présence d'un nombre de coups proportionné à sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que, si on continuait à le frapper de beaucoup de coups en plus de ceux-là, ton frère ne fût avili à tes yeux. Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foulera le grain. Lorsque des frères demeurent ensemble, et que l'un d'eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors à un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et remplira envers elle le devoir de beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère défunt, et prendra son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. S'il ne plaît pas à cet homme de prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de faire revivre le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas remplir, en m'épousant, son devoir de beau-frère. » Alors les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Il ne me plaît pas de la prendre », sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage en disant « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. » Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Lorsque des hommes se battront ensemble, un homme et son frère, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et que, avançant la main, elle saisisse ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Ton œil sera sans pitié. Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison deux sortes d'éphas, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans la terre que te donne le Seigneur, ton Dieu. Car il est en abomination au Seigneur, ton Dieu, celui qui fait ces choses, qui commet une iniquité. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant le voyage, lorsque tu sortis de l'Égypte. Comment il te rencontra en route et tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui étaient épuisés derrière toi. Et toi, tu étais fatigué et sans force, et il n'eut aucune crainte de Dieu. Quand le Seigneur, ton Dieu, t'aura donné du repos, t'ayant délivré de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie point. Chapitre 26. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour héritage, que tu en auras pris possession et y seras établi, tu prendras une part des prémices de tous les produits du sol que tu auras retirés de ton pays, que te donne le Seigneur, ton Dieu, et, l'ayant mise dans une corbeille, tu iras au lieu que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu te présenteras au prêtre alors en fonction, et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui au Seigneur, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. » Le prêtre recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel du Seigneur, ton Dieu. Et prenant de nouveau la parole, tu diras devant le Seigneur, ton Dieu « Mon père était un Araméen prêt à périr. Il descendit en Égypte avec peu de gens et y vécut en étranger. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent et nous imposèrent un dur servage. Alors nous criâmes au Seigneur, le Dieu de nos pères, Et le Seigneur entendit notre voix et vit nos souffrances, notre misère et notre oppression. Et le Seigneur nous fit sortir d'Égypte, avec une main forte et le bras étendu, par une grande terreur, avec des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays où coule le lait et le miel. Et maintenant voici que j'apporte les prémices des produits du sol que vous m'avez donnés, ô Seigneur. Tu les déposeras devant le Seigneur, ton Dieu, et tu te prosterneras devant le Seigneur, ton Dieu. Puis tu te réjouiras, avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, de tous les biens que le Seigneur, ton Dieu, t'a donnés, à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, et que tu la donneras au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, pour qu'il la mange dans tes portes et qu'il se rassasie, tu diras devant le Seigneur, ton Dieu. J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Je l'ai donné au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous vos préceptes que vous m'avez donnés. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de vos préceptes. Je n'ai pas mangé de ces choses pendant mon deuil, je n'en ai rien transporté hors de ma maison dans l'état d'impureté, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix du Seigneur, mon Dieu. J'ai agi selon tout ce que vous m'avez prescrit. Regardez de votre demeure sainte, du ciel, et bénissez votre peuple d'Israël et le sol que vous nous avez donné, comme vous l'avez juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, le Seigneur, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as fait déclarer aujourd'hui au Seigneur qu'il sera ton Dieu. Toi, t'engageant de ton côté à marcher dans ses voies, à observer ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et à obéir à sa voix. Et le Seigneur t'a fait déclarer aujourd'hui que tu lui serais un peuple particulier, comme il te l'a dit, observant tous ses commandements. Lui s'engageant de son côté à te donner la supériorité sur toutes les nations qu'il a faites, en gloire, en renom et en splendeur, en sorte que tu sois un peuple saint au Seigneur, ton Dieu, comme il l'a dit. Chapitre 27. Moïse, avec les anciens d'Israël, donna cet ordre au peuple. Observez tout le commandement que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que te donne le Seigneur, ton Dieu, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux, et tu écriras dessus toutes les paroles de cette loi, après ton passage, afin que tu entres dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Lors donc que vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous prescris aujourd'hui, et tu les enduiras de chaux. Et tu bâtiras là un autel au Seigneur, un autel de pierre sur lesquels tu ne porteras pas le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel du Seigneur, ton Dieu, et tu offriras dessus des holocaustes au Seigneur, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices pacifiques. Et tu mangeras là, et tu te réjouiras devant le Seigneur, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en caractères bien nets. Moïse et les prêtres lévitiques parlèrent à tout Israël en disant : Garde le silence et écoute, ô Israël. Aujourd'hui tu es devenu le peuple du Seigneur, ton Dieu. Tu obéiras donc à la voix du Seigneur, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. « Lorsque vous aurez passé le Jourdain, ceux-ci se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin. Et ceux-là se tiendront sur le mont Ébal pour la malédiction. Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tous les hommes d'Israël. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, abomination du Seigneur, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira « Amen ». Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui viole le droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui frappe en secret son prochain. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui reçoit un présent pour frapper une vie, répandre le sang innocent. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui ne maintient pas les paroles de cette loi en les mettant en pratique. Et tout le peuple dira « Amen ». Chapitre 28. Si tu obéis exactement à la voix du Seigneur, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix du Seigneur, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Béni seront ta corbeille et ta huche. Tu seras béni à ton entrée, et tu seras béni à ta sortie. Le Seigneur fera que les ennemis qui s'élèveront contre toi soient mis en déroute devant toi. Venus contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Le Seigneur commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout travail de tes mains. Il te bénira dans le pays que te donne le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur te fera subsister pour lui comme un peuple saint, ainsi qu'il te l'a juré, si tu observes les commandements du Seigneur, ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Et tous les peuples verront que le nom du Seigneur est nommé sur toi, et ils te craindront. Le Seigneur te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que le Seigneur a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Le Seigneur te mettra à la tête, et non à la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas, si tu obéis au commandement du Seigneur, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, si tu les observes et les mets en pratique, et si tu ne t'écartes ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et les servir. Mais si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Seront maudites ta corbeille et ta huche. Seront maudits le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Le Seigneur enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace dans tout ce que tu entreprendras de faire, jusqu'à ce que tu sois détruit et jusqu'à ce que tu périsses bientôt, à cause de la perversité de tes actions, par lesquelles tu m'auras abandonné. Le Seigneur attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder. Le Seigneur te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de sécheresse, de charbon et de niel, fléaux qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ton ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous tes pieds sera de fer. Le Seigneur enverra pour pluie à ton pays de la poussière et du sable, qui descendront du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Le Seigneur fera que tu sois battu devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et par sept chemins tu fuiras devant eux, et tu seras un objet de terreur parmi tous les royaumes de la terre. Ton cadavre servira de pâture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les effrayer. Le Seigneur te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de dartres et de gales, dont tu ne pourras guérir. Le Seigneur te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu ne réussiras pas dans tes voies. Tu seras tous les jours opprimé et dépouillé, sans personne qui vienne à ton secours. Tu te fianceras à une femme, et un autre la possédera. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé de devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront livrées à tes ennemis, et personne ne viendra à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera impuissante. Le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, un peuple que tu n'as pas connu le mangera, et tu seras opprimé et écrasé tous les jours. Tu deviendras fou à la vue des choses que tu verras de tes yeux. Le Seigneur te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin, dont tu ne pourras guérir. Il te couvrira depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Le Seigneur te fera marcher, toi et ton roi que tu auras mis à ta tête, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu deviendras un sujet d'étonnement, de fables et de railleries parmi tous les peuples chez lesquels le Seigneur te mènera. Tu porteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu recueilleras peu, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin et tu ne récolteras rien, car les vers les mangeront. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, et tu ne t'oindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes s'empareront de tous tes arbres et des fruits de ton sol. L'étranger qui vit au milieu de toi s'élèvera de plus en plus au-dessus de toi, tandis que toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera en tête, et tu seras à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois détruit. parce que tu n'auras pas obéi à la voix du Seigneur, ton Dieu, pour observer ses lois et ses commandements qu'il t'a prescrits. Elles seront pour toi un signe et un prodige, et pour ta postérité à jamais. Parce que tu n'auras pas servi le Seigneur, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, en retour de l'abondance de toutes choses, tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité, dans la disette de toutes choses, tes ennemis que le Seigneur enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Le Seigneur fera partir contre toi de loin, des extrémités de la terre, une nation à la marche rapide comme le vol de l'aigle, nation dont tu n'entendras pas le langage, nation à l'aspect farouche, qui n'aura ni égard pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle dévorera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni les portées de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tombent dans tout ton pays tes murailles, hautes et fortes, dans lesquelles tu auras mis ta confiance. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que le Seigneur, ton Dieu, t'aura donné. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que le Seigneur, ton Dieu, t'aura donné. Tant sera grande l'angoisse et la détresse où te réduira ton ennemi. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué au luxe regardera d'un œil jaloux son frère, la femme qui repose sur son sein et le reste de ses enfants qu'il aura épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il se nourrira, parce qu'il ne lui restera plus rien. Tant seront grandes l'angoisse et la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée au luxe, trop tendre et trop délicate pour essayer de poser à terre la plante de son pied, regardera d'un œil jaloux le mari qui reposait sur son sein, ainsi que son fils et sa fille, à cause de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et de ses enfants qu'elle aura mis au monde. Car, manquant de tout, elle s'en nourrira en secret. Tant sera grande l'angoisse et la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'as pas soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, craignant ce nom glorieux et redoutable, le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur rendra extraordinaires tes plaies et les plaies de ta postérité, plaies grandes et continues, maladies graves et opiniâtres. Il fera revenir sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. De plus, le Seigneur fera venir sur toi toutes sortes de maladies et de plaies, qui ne sont pas écrites dans le livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Vous ne resterez qu'un petit nombre, après avoir été nombreux comme les étoiles du ciel, parce que tu n'auras pas obéi à la voix du Seigneur, ton Dieu. De même que le Seigneur prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, ainsi le Seigneur prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés de la terre où tu vas entrer pour la posséder. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations mêmes, tu ne seras pas tranquille, et il n'y aura pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Là, le Seigneur te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints et une âme languissante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, et tu ne croiras pas à ta vie. Le matin, tu diras « Que ne suis-je au soir ?» Et le soir, tu diras « Que ne suis-je au matin ?» À cause de la crainte qui agitera ton cœur et des choses que tes yeux verront. Et le Seigneur te fera retourner sur des navires en Égypte par le chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Et là, Vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne qui vous achète. Voici les paroles de l'alliance que le Seigneur ordonna à Moïse de conclure avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait conclue avec eux en Horeb. Chapitre 29. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses signes et ses grands prodiges. Mais le Seigneur ne vous a pas donné, jusqu'à ce jour, un cœur qui comprenne, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta chaussure ne s'est pas usée à ton pied. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni cervoise, afin que vous puissiez connaître que je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous êtes ainsi arrivés dans ce lieu. Séon, roi de Hézebon, et Og, roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites, et à la moitié de la tribu des Manassites. Observez donc les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présentez tous aujourd'hui devant le Seigneur, votre Dieu. Vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp. Depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance du Seigneur, ton Dieu, et dans son serment. Alliance que le Seigneur, ton Dieu, conclut en ce jour avec toi, pour t'établir aujourd'hui comme son peuple et être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je conclus cette alliance, et que je fais ce serment, mais c'est avec quiconque se tient ici aujourd'hui avec nous devant le Seigneur, notre Dieu, et avec quiconque n'est pas ici avec nous en ce jour. Vous savez, en effet, comment nous avons habité dans le pays d'Égypte, et comment nous avons passé au milieu des nations parmi lesquelles vous avez passé. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, bois et pierre, argent et or, qui sont chez elles. Qu'il n'y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui du Seigneur, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines produisant du poison et de l'absinthe. Que personne, en entendant les paroles de ce serment, ne se flatte dans son cœur en disant « J'aurai la paix, alors même que je marcherai dans l'endurcissement de mon cœur. » De sorte que celui qui est assouvi entraîne celui qui a soif. Le Seigneur ne consentira pas à pardonner à cet homme. Mais alors la colère et la jalousie du Seigneur s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et le Seigneur effacera son nom de dessous les cieux. Le Seigneur le séparera, pour le livrer au malheur, de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'Alliance écrites dans ce livre de la loi. La génération à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies de ce pays et de ses maladies, dont le Seigneur l'aura frappé, du soufre et du sel, de l'embrasement de toute cette terre, qui ne sera pas ensemencée, ne produira pas de fruits, sur laquelle ne croîtra aucune herbe, comme il arriva au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adama et de Séboïm, que le Seigneur bouleversa dans sa colère et dans sa fureur. Toutes ces nations diront : Pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité ce pays ? D'où vient l'ardeur de cette grande colère? Et l'on dira, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur, le Dieu de leur père, qu'il avait conclu avec eux lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que le Seigneur ne leur avait pas donné en partage. La colère du Seigneur s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Le Seigneur les a arrachés de leur sol avec colère, avec fureur et avec une grande indignation, et il les a jetés sur une autre terre, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont au Seigneur, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Chapitre 30. Lorsque toutes ces choses seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction que j'ai mises devant toi, et que tu les auras de nouveau prises à cœur, au milieu de toutes les nations parmi lesquelles t'auras chassé le Seigneur, ton Dieu, si tu reviens au Seigneur, ton Dieu, et que tu obéisses à sa voix, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors le Seigneur, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples chez lesquels le Seigneur, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tes exilés seraient à l'extrémité du ciel, le Seigneur, ton Dieu, te rassemblera de là. Il ira jusque-là te prendre. Le Seigneur, ton Dieu, te ramènera dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Le Seigneur, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Le Seigneur, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, de nouveau, tu écouteras la voix du Seigneur, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et le Seigneur, ton Dieu, te comblera de bien dans tout le travail de tes mains, dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de tes troupeaux et dans le fruit de ton sol, car le Seigneur se réjouira de nouveau à ton sujet en te faisant du bien, comme il s'est réjoui au sujet de tes pères, si tu obéis à la voix du Seigneur, ton Dieu, en observant ses commandements et ses préceptes écrits dans ce livre de la loi. Si tu reviens au Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de toi ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, et nous le fera entendre, afin que nous l'accomplissions ?» Il n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous au-delà de la mer et nous l'ira chercher, et nous le fera entendre, afin que nous l'accomplissions ?» Mais la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. Vois, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, en te prescrivant aujourd'hui d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne, que tu n'écoutes point et que tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare en ce jour que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où, après avoir passé le Jourdain, tu vas entrer pour la posséder. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Car cela, c'est ta vie et de longs jours à demeurer dans la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Chapitre 31. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Il leur dit : Aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans. Je ne puis plus sortir et entrer, et le Seigneur m'a dit : Tu ne passeras pas ce Jourdain. C'est le Seigneur, ton Dieu, qui passera devant toi. C'est lui qui détruira de devant toi ces nations, et tu les posséderas. Josué sera celui qui passera devant toi, comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur les traitera comme il a traité Séon et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits ainsi que leur pays. Le Seigneur vous les livrera, et vous les traiterez selon tous les ordres que je vous ai donnés. Soyez forts et remplis de courage. N'ayez ni crainte ni frayeur devant eux, car c'est le Seigneur, ton Dieu, qui marche avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël : Sois fort et rempli de courage, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le leur feras posséder. Car c'est le Seigneur qui marchera devant toi, lui qui sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Sois sans crainte et sans peur. Moïse écrivit cette loi et la donna aux prêtres, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur, et à tous les anciens d'Israël. Et il leur fit ce commandement. Après chaque septième année, à l'époque de l'année de rémission, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant le Seigneur, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël, de sorte qu'ils l'entendent. Assemble le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils l'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre le Seigneur, votre Dieu, et qu'ils aient soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants, qui ne la connaîtront pas, l'entendront et apprendront à craindre le Seigneur, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez sur la terre vers laquelle vous irez pour la posséder, après avoir passé le Jourdain. Et le Seigneur dit à Moïse : Voici que le moment est proche où tu vas mourir. Appelle Josué, et présentez-vous dans la tente de réunion, pour que je lui donne mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente de réunion, et le Seigneur apparut dans la tente, dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée se tint à l'entrée de la tente. Et le Seigneur dit à Moïse : Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera, et se prostituera à des dieux étrangers du pays au milieu duquel il va entrer. Il m'abandonnera et il rompra mon alliance que j'ai conclue avec lui. Et ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. On le dévorera. Une multitude de maux et d'afflictions fondront sur lui. Et il dira en ce jour-là : N'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux ont fondu sur moi ? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Écrivez donc ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car, quand j'aurai fait entrer ce peuple dans la terre que j'ai promise par serment à ses pères, terre où coule le lait et le miel, qu'il aura mangé et se sera rassasié et engraissé, alors il se tournera vers d'autres dieux, et ils les serviront. Ils me mépriseront, et il rompra mon alliance. Et quand une multitude de maux et d'afflictions auront fondu sur lui, ce cantique déposera comme témoin contre lui. car il ne sera pas oublié et ne sortira pas de la bouche de ses descendants. Car je connais les dispositions qui l'animent dès aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que je lui ai promis par serment. » En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Le Seigneur donna ses ordres à Josué, fils de Noun, et lui dit : « Sois fort et rempli de courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que je leur ai promis par serment, et je serai avec toi. » Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance du Seigneur. « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance du Seigneur, votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre toi. Car je connais ton esprit rebelle et la raideur de ton cou. Aujourd'hui que je suis encore vivant au milieu de vous, vous avez été rebelles contre le Seigneur. Combien plus le serez-vous après ma mort ? Assemblez auprès de moi tous les anciens de vos tribus et vos magistrats. Je prononcerai ces paroles à leurs oreilles, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort vous vous corromprez certainement, que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et que le malheur vous atteindra dans la suite des temps, pour avoir fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, en l'irritant par l'œuvre de vos mains. » Moïse prononça aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce cantique jusqu'au bout. Chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Que mon enseignement se répande comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur le gazon. Car je veux proclamer le nom du Seigneur. Rendez gloire à notre Dieu. Le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ils ont péché contre lui, non ses enfants, mais leur souillure, une race fausse et perverse. Est-ce là ce que vous rendez au Seigneur, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur, celui qui t'a fait et t'a établi? Souviens-toi des anciens jours, considérez les années des générations passées. Interroge ton Père, et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut assigna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion du Seigneur, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il l'a trouvé dans une terre déserte, dans une solitude, au hurlement sauvage. Il l'a entouré, il a pris soin de lui. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui excite sa couvée et voltige au-dessus de ses petits, le Seigneur a déployé ses ailes. Il a pris Israël, il l'a porté sur ses plumes. Le Seigneur seul l'a conduit. Nul dieu étranger n'était avec lui. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort de la roche la plus dure, la crème de la vache et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers nés en basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang de la grappe, le vin écumant. Mais Jésus-Run est devenu gras, et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais, replé. Et il a abandonné le Dieu qu'il avait formé, et méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Dieux nouveaux, venus récemment, devant lesquels vos pères n'avaient pas tremblé. Tu as abandonné le rocher qui t'avait engendré, et oublié le Dieu qui t'avait mis au monde. Le Seigneur l'a vu, et il en a été indigné, provoqué par ses fils et ses filles. Il a dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, des fils en qui il n'y a pas de bonne foi. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévore la terre et ses produits. Il embrase les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. Sur eux j'épuiserai mes flèches. Ils seront exténués par la faim, consumés par la fièvre et par la peste meurtrière. Et j'enverrai encore contre eux la dent des bêtes, avec le venin des reptiles qui rampent dans la poussière. Au dehors, l'épée ravira les enfants, et au dedans ce sera l'effroi. Le jeune homme comme la jeune fille, l'enfant à la mamelle comme le vieillard. Je dirai, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur souvenir du milieu des hommes. Si je ne craignais l'arrogance de l'ennemi, que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante, et ce n'est pas le Seigneur qui a fait toutes ces choses. » Car c'est une nation dénuée de sens, et il n'y a point d'intelligence en eux. S'ils étaient sages, ils le comprendraient. Ils considéreraient la fin qui les attend. Comment un homme en poursuivrait-il 1000? Comment deux en feraient-ils fuir 10 000? Si leur rocher ne les avait vendus, si le Seigneur ne les avait livrés. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et des champs de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins vénéneux, et leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des dragons, c'est le poison mortel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution pour le temps où leur pied trébuchera. Car le jour de leur malheur est proche, et leur destin se précipite. Car le Seigneur fera droit à son peuple, et il se repentira en faveur de ses serviteurs, quand il verra que leur force est épuisée, et qu'il ne reste plus ni esclave ni libre. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher près duquel ils se réfugiaient? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Voyez maintenant que c'est moi, moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu à côté de moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. J'ai blessé, et c'est moi qui guérirai, et il n'y a personne qui délivre de ma main. Oui, je lève ma main vers le ciel, et je dis, je vis éternellement. Quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive, et que ma main saisira le jugement, je tirerai vengeance de mes ennemis, et je rendrai à ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang, et mon épée se repaîtra de chair. Du sang des tués et des captifs, de la tête chevelue de l'ennemi. Nation, poussez des cris de joie en l'honneur de son peuple. Car le Seigneur venge le sang de ses serviteurs, il tire vengeance de ses adversaires. Et il fait l'expiation pour sa terre, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique aux oreilles du peuple. Avec lui était Josué, fils de Noun. Lorsqu'il eut achevé d'adresser toutes ces paroles à tout Israël, il leur dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je proclame aujourd'hui devant vous, que vous devez prescrire à vos enfants, pour qu'ils mettent soigneusement en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose indifférente pour vous, c'est votre vie, et, Par l'accomplissement de cette parole, vous prolongerez vos jours sur la terre dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. » Ce même jour, le Seigneur parla à Moïse en disant : « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël pour être leur propriété. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras réuni à ton peuple. De même qu'Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été réuni à son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, aux eaux de Meriba de Kadès, dans le désert de Sin, et que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays en face de toi, mais tu n'y entreras point dans ce pays que je donne aux enfants d'Israël. » Chapitre 33. Voici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant de mourir. Il dit : Le Seigneur est venu de Sinaï. Il s'est levé pour eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Pharan. Il est sorti du milieu des saintes myriades. De sa droite jaillissaient pour eux des jets de lumière. Il aime aussi les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Eux sont assis à tes pieds, et chacun recueille ta parole. Moïse nous a prescrit une loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il devint roi en Jézouroun, lorsque s'assemblèrent les chefs du peuple avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes ne soient pas réduits à un petit nombre. Ceci est pour Juda. Il dit : Écoute, ô Seigneur, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. De son bras il combattra pour Israël, et tu lui viendras en aide contre ses ennemis. » Il dit pour Lévi : Ton Urim et ton Thummim sont confiés à ton homme saint, que tu as éprouvé à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba, qui a dit de son père et de sa mère : Je ne les ai pas vus, qui n'a pas reconnu ses frères et ne sait rien de ses enfants, car ils ont observé ta parole et ils ont gardé ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils présentent l'encens à tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Seigneur, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et de ceux qui le haïssent, qu'il ne se relève plus. » Il dit pour Benjamin : « Bien-aimé du Seigneur, il habitera en sécurité auprès de lui. Le Seigneur le protège continuellement, entre ses épaules il repose. » Il dit pour Joseph : « Béni du Seigneur et son pays, à lui le précieux don du ciel, la rosée, les eaux de l'abîme étendues en bas, les produits excellents que fait mûrir le soleil, les fruits excellents des mois, les meilleurs produits des montagnes antiques, les dons excellents des collines éternelles, les dons excellents de la terre et de son abondance. Que la faveur de celui qui habita dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le haut de la tête du prince de ses frères. À son taureau premier-né, à lui est la gloire. Ses cornes sont les cornes du buffle. Il en frappera tous les peuples ensemble, jusqu'aux extrémités de la terre. Telles sont les myriades d'Éphraïm, telles sont les milliers de Manassé. » Il dit pour Zabulon : « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. » Ils appellent les peuples à venir sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les richesses cachées dans le sable. » Il dit pour Gad : « Béni soit celui qui met Gad au large. Il est couché comme une lionne, il déchire le bras, même la tête. Il s'est choisi les prémices du pays, car là était cachée une part de chef. Et il a marché en tête du peuple. Il a accompli la justice du Seigneur et ses jugements avec Israël. Il dit pour Dan. Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. Il dit pour Nephtali. Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions du Seigneur, prend possession de la mer et du midi. Il dit pour Aser. Béni soit Aser entre les fils de Jacob, qu'il soit le favori de ses frères et qu'il trempe son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain et que ton repos dure autant que tes jours. Nul, ô Jésurun, n'est semblable à Dieu, qui marche sur les cieux pour venir à ton secours, et, dans sa majesté, sur les nues. C'est un refuge que le Dieu des temps antiques, il te soutient de ses bras éternels. Il chasse devant toi l'ennemi, et il dit « Détruis ». Israël habite en sécurité. La source de Jacob coule à part, dans un pays de blé et de vin, et son ciel distille la rosée. Heureux es-tu, Israël, qui est, comme toi, un peuple sauvé par le Seigneur, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feindront devant toi, et toi, tu marcheras sur leur hauteur. Chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Phasga, en face de Jéricho. Et le Seigneur lui montra tout le pays. Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali et le pays d'Éphraïm et de Manassé. Tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le Négeb, le district du Jourdain, la vallée de Jéricho qui est la ville des palmiers, jusqu'à Ségor. Et le Seigneur lui dit, « C'est là le pays au sujet duquel j'ai fait serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre du Seigneur. Et il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Phogor. Aucun homme n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse dans les plaines de Moab pendant 30 jours. Et les jours des pleurs pour le deuil de Moïse furent accomplis. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et firent selon que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse, que le Seigneur connaissait face à face, ni quant à tous les signes et miracles que Dieu l'envoya faire dans le pays d'Égypte, sur Pharaon, sur tous ses serviteurs et sur tout son pays, ni quant à toute sa main puissante et à toutes les choses terribles que Moïse accomplit sous les yeux de tout Israël.